Le comité préparatoire de Hongrie pour les Journées du Soleil et de la Brillante Étoile est constitué à Budapest et le comité préparatoire du Congo démocratique à Kinshasa. Les comités préparatoires ont décidé d'organiser diverses cérémonies politiques et culturelles pour exalter la vie révolutionnaire sacrée et les espoirs du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Par ailleurs, le comité préparatoire pour les Journées du Soleil et de la Brillante Étoile vient d'être constitué également en Russie.